de grandeur et de beauté. Sous l'égide de la croix gammée, Germania, une aube nouvelle. Germania, sur la main se lève. Germania, le bras levé.